Avant d'aborder la passionnante histoire de Daniel, il convient de situer l'époque où ce prophète israélite a exercé son ministère il y a plus de 25 siècles. C'était l'époque de gloire de l'Empire chaldéen que l'histoire situe entre l'an 606 et l'an 539 avant l'ère chrétienne. Babylone était devenue la capitale du monde antique. Et Nebuchadnezzar, le grand roi chaldéen, ne s'est pas contenté de conquérir des royaumes. Il a voué tous ses efforts à la construction de Babylone, qui devait devenir une forteresse imprenable, défiant toutes les armées étrangères. Hérodote décrit ses murailles de 100 mètres de hauteur, surmontées par 250 tours de guet. Ces murailles étaient larges de 30 mètres, si bien que 6 chars de combat pouvaient y défiler de front. Mais Babylone devait avant tout surpasser en beauté tout ce qui s'était fait dans le passé. Nebuchadnezzar était passionné d'arboriculture, c'est pourquoi il a créé, à grands frais, les fameux jardins suspendus que l'on considérait comme l'une des 7 merveilles du monde. Ces jardins, où poussaient les fleurs les plus exquises et les espèces végétales les plus rares, se présentaient comme une gigantesque pyramide florale, une pyramide elle-même surmontée d'une tour de 100 mètres de hauteur. Là se trouvait le sanctuaire des divinités, avec toutes sortes de trésors, de l'or, de l'argent, des perles, du lapis-lazuli et d'autres pierres précieuses. C'est en l'an 605 avant Jésus-Christ que le roi Nebuchadnezzar a dressé son camp devant les murailles de Jérusalem pour l'assiéger. De là, il a ordonné qu'on lui amène quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel 1, 3 à 4. Parmi eux, 4 jeunes gens de race royale, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Comme nous l'avons lu, le roi vainqueur exige qu'ils s'initient à la science, à la culture et à la religion des Chaldéens. Dans ce but, il les emmène à Babylone, à 1000 km de leur patrie. Mais ces événements ne dépendent pas du seul vouloir de l'empereur babylonien. Dieu contrôle souverainement l'histoire, qui se déroule selon un plan établi et annoncé des dizaines d'années auparavant, voire des siècles à l'avance. Tout païen qu'il soit, Nebuchadnezzar sera contraint par les circonstances à reconnaître le pouvoir suprême du Très-Haut. Le jour viendra où il prononcera ces mots. « J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. » Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Daniel 4, 34 à 35. Ah, si de nos jours, les monarques et les présidents des nations en disaient autant. Hélas, peu nombreux sont les hommes élevés en autorité qui savent reconnaître la souveraineté de Dieu. Mais revenons à l'histoire d'Israël. Au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, deux captivités successives, pour les 10 tribus du Nord en Assyrie et pour Juda à Babylone, ont entraîné un bouleversement de population et de profonde détresse. Mais Dieu veille, plus même, il accomplit sa parole, car il avait prévu et annoncé ces événements des siècles à l'avance. Moïse, déjà, avait prévenu les Israélites de leur déportation dans un pays lointain s'ils abandonnaient la loi de l'Éternel. Plus tard, lors de la dédicace du Temple de Jérusalem, le roi Salomon avait prononcé un avertissement du même ordre. Et plus la déportation approchait, plus la prophétie se précisait. C'est ainsi que Dieu a informé Ézéchias, roi de Juda, de ce qui allait se passer à Jérusalem même. « Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. L'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ésaïe 39, 6 à 7. En déportant des jeunes gens de souche royale, Nebuchadnezzar accomplissait donc à son insu la prophétie d'Ésaïe, formulée plus d'un siècle auparavant. Et lorsque quelques années plus tard, Nebuchadnezzar crèvera les yeux de Sédécias, le dernier roi de Juda, ce sera encore en accomplissement d'une prophétie biblique, deux prophéties même. D'une part, Jérémie avait averti Sédécias en ces termes. « Et toi, tu n'échapperas pas. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera face à face, et tu iras à Babylone. » Jérémie 34, 3. D'autre part, Ézéchiel, pourtant déporté à 1000 kilomètres de Jérusalem, a apporté de la part de Dieu des précisions complémentaires au sujet de Sédécias. « J'étendrai mon ray sur lui, et il sera pris dans mon filet. » Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il mourra. Ézéchiel, chapitre 12, verset 13. Ces deux prophéties, apparemment contradictoires, se sont réalisées à la lettre. Sédécias a vu le roi de Babylone, mais il n'a pas vu Babylone, parce que Nebuchadnezzar lui a crevé les yeux à Ribla, une ville syrienne où il avait établi son quartier général. Nebuchadnezzar emmena ensuite les prisonniers dans sa capitale, où Sédécias acheva sa misérable existence. La prophétie s'était réalisée avec exactitude. N'était-ce pas la preuve que Dieu contrôlait effectivement tous les événements jusque dans leurs moindres détails? Et il en fut de même en ce qui concerne la durée de la captivité. Dieu avait annoncé à Jérémie « Toutes les nations seront soumises à Nebuchadnezzar, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que les nations puissantes et de grands rois l'asservissent. » Jérémie 27, 7. Et de manière plus précise encore, Dieu a fait dire par Jérémie aux captifs de Babylone « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole » en vous ramenant dans Jérusalem. Jérémie 29, 10. Toutes ces prophéties sont devenues histoire. Au bout de 70 ans, sous le règne de Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, le royaume des Chaldéens s'est effondré. Les Perses se sont emparés du pouvoir, et peu après, Cyrus, le nouveau monarque, a proposé de manière inattendue aux ressortissants juifs de son royaume de regagner leur patrie. Or, Dieu avait programmé cela depuis longtemps, et il avait même précisé par Ésaïe le prophète le nom de Cyrus 180 ans avant son accession au trône. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ésaïe 44, 28 et 45, 13. Dans la tempête qui balaya la terre promise, il y avait donc un élément sécurisant et rassurant. Dieu avait tout prévu. Il avait réglé d'avance la durée de la captivité, comme il avait prévu le retour de l'exil. C'est dire à quel point Dieu contrôlait tous ces événements où Israël était impliqué. Et il en est de même aujourd'hui. Dieu contrôle d'autant mieux les événements du Moyen-Orient qu'Israël, son peuple d'autrefois, est à nouveau l'enjeu des intrigues internationales, comme l'ont annoncé les prophéties bibliques pour aujourd'hui. C'est là un sujet de brûlante actualité auquel nous reviendrons en étudiant le livre de Daniel. Mais pour l'instant, il nous faut retrouver Daniel et ses amis, soudain déportés par Nebuchadnezzar en cette année 605 avant Jésus-Christ. Peut-être ces jeunes gens se sont-ils posé bien des questions. Pourquoi nous arrivent-ils tous ces malheurs? Pourquoi avons-nous été arrachés à notre patrie pour faire des études à la cour de Babylone? Pourquoi avons-nous dû quitter Jérusalem où notre ascendance royale aurait pu nous faire jouer un rôle important? Et surtout, pourquoi Dieu a-t-il permis la captivité et la défaite de notre peuple? Dieu nous a-t-il abandonnés? Dieu nous a-t-il oubliés? L'horizon de Daniel et de ses amis, Anania, Michaël et Azaria, devait être bien noir. Ils traversaient un sombre tunnel, mais la main du Seigneur les réconfortait tandis qu'ils cheminaient dans ce tunnel. Et le jour est venu où ils ont découvert que le Seigneur avait aussi préparé la sortie du tunnel. La déportation n'avait pas eu lieu sans sa permission, et elle allait aussi s'achever sur son ordre. Chers auditeurs, êtes-vous à votre tour dans le tunnel d'une épreuve dont vous ne voyez pas l'issue? Découvrez ce que Daniel et ses amis ont découvert il y a 25 siècles. La main du Seigneur est dans les circonstances particulières qu'il permet. N'est-ce pas pour vous qu'il est écrit dans le Nouveau Testament? Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. 1 Pierre 4:12. Et encore? Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10:13. Dieu est fidèle, et s'il a permis l'épreuve, il a déjà prévu l'issue de votre épreuve, afin que vous puissiez la supporter. C'était là l'expérience de Daniel dans ce passionnant livre de notre Bible que nous allons parcourir ensemble pendant quelques semaines dans le cadre de cette émission.